Mais Dieu vous donnera un fils, comme il l'a fait pour Abraham et Sarah. Il s'appellera Jean. Il sera un grand prophète, et il aura pour mission de préparer le peuple à la venue de l'envoyé de Dieu, du Messie. Zacharie n'en croit pas ses oreilles. « Qu'est-ce qui me prouve que tu dis vrai ?» L'ange lui déclare, « Puisque tu doutes de mes paroles, tu vas devenir muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Ce sera le signe que je viens de la part de Dieu. » Quand Zacharie sort du temple, il fait de grands gestes, car il est incapable de parler. Alors, les personnes rassemblées devant le temple comprennent que Dieu lui a adressé un message. Zacharie rentre chez lui et retrouve sa femme Élisabeth. Et quelques mois après, Élisabeth murmure « C'est extraordinaire. J'attends un enfant. » L'Annonciation. Dans la ville de Nazareth, en Galilée, habite une jeune fille nommée Marie. Bientôt, elle va se marier avec Joseph, un lointain descendant du grand roi David. Un jour, Dieu envoie l'ange Gabriel chez Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais je ne suis pas mariée. » L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi, car c'est le Fils de Dieu que tu vas porter et mettre au monde. Et Dieu fait aussi un merveilleux cadeau à ta vieille cousine Élisabeth. Elle attend un fils, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répond, « Je fais confiance à Dieu, et je veux le servir tous les jours de ma vie. Que tout se passe pour moi comme tu l'as annoncé. » La Visitation. Aussitôt, Marie se met en route pour aller visiter Élisabeth. Élisabeth est très émue. Elle explique à Marie, « Quand tu m'as dit bonjour, j'ai senti l'enfant sauter de joie dans mon ventre. Tu es la plus heureuse des femmes, car tu as fait confiance à la parole du Seigneur. » Alors, Marie chante à Dieu un grand chant de louange. « Merci, Seigneur, d'avoir porté ton regard sur moi, ta petite servante. Je suis si heureuse. Je veux chanter pour toi de tout mon cœur. Tu es grand, tu es puissant, tu n'aimes pas les orgueilleux, mais tu prends soin des petits et des pauvres. Tu es toujours fidèle à ton alliance. Tu tiens tes promesses. » La naissance de Jean. Élisabeth donne naissance à un beau petit garçon. Selon la tradition juive, il doit être circoncis le 8e jour et recevoir son nom. Les gens de sa famille et les voisins veulent l'appeler comme son père. Mais Élisabeth refuse. Non, il s'appellera Jean. Alors on demande son avis à Zacharie. Comme il est toujours muet, il prend une tablette et il écrit « Jean est son nom ». Et à l'instant même, il retrouve l'usage de la parole. Il remercie Dieu. « Seigneur, tu es fidèle et tu viens nous sauver comme tu l'avais promis. » Les personnes présentes sont stupéfaites. Cet enfant est extraordinaire. Sûrement Dieu va accomplir des choses merveilleuses par lui. La naissance de Jésus. Un jour, l'empereur des Romains décide de compter tous les habitants de la terre. Chacun doit se rendre dans sa ville natale pour être inscrit dans un grand livre. Joseph quitte Nazareth pour aller à Bethléem, la ville du roi David. Il part avec Marie, son épouse, qui va bientôt avoir un bébé. C'est un voyage difficile pour une future maman. À Bethléem, il n'y a plus de place nulle part. Mais c'est justement cette nuit-là que naît le petit garçon. Marie doit le coucher dans une mangeoire pour les animaux. Dans les environs, se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Alors les bergers se disent « Vite, allons à Bethléem, il s'y passe quelque chose ». Ils trouvent Marie, Joseph et le nouveau-né. Tout joyeux, ils bénissent Dieu. Le huitième jour, le bébé est circoncis. Il reçoit le nom de Jésus, ce qui signifie « Le Seigneur sauve ». La présentation de Jésus au temple. La loi de Moïse dit que le premier garçon d'une famille doit être présenté au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Alors, quelques jours plus tard, Marie et Joseph partent pour Jérusalem. Quand ils entrent dans le temple avec leur bébé, voici qu'un vieillard vient à leur rencontre. Il s'appelle Siméon, et il attend depuis longtemps que Dieu se manifeste. Et justement, en voyant ce tout petit garçon, il sent dans son cœur que c'est l'envoyé de Dieu, le Messie. Très ému, il le prend dans les bras et bénit Dieu en disant « Merci Seigneur, maintenant tu peux m'appeler à toi, car j'ai vu ton salut, celui qui donnera la lumière à tous les peuples. » Marie et Joseph sont très étonnés. La visite des mages. Une nuit, dans un pays lointain d'Orient, des mages, des savants, remarquent une nouvelle étoile dans le ciel. Cela signifie qu'un nouveau roi vient de naître. Aussitôt, ils décident d'aller lui rendre visite pour lui offrir des cadeaux. Et les voilà partis pour un long voyage, guidés par l'étoile. Puisqu'ils cherchent un roi, ils vont à Jérusalem, au palais d'Hérode, roi de Judée. Mais personne n'a entendu parler d'une naissance. Ils repartent. Un jour, enfin, ils trouvent Marie et Joseph, et ils voient l'enfant Jésus. Ils se mettent à genoux pour l'adorer. Ils ouvrent leurs coffres et sortent des cadeaux très précieux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais le roi Hérode a entendu parler de ce mystérieux enfant roi. Il est très jaloux. « Le seul roi ici, c'est moi. Il faut que je me débarrasse de cet enfant. » Et il donne l'ordre à ses soldats de tuer tous les petits garçons de la région. Heureusement, un ange prévient Joseph pendant la nuit. « Vite !» Joseph réveille Marie, qui prend Jésus dans ses bras, et ils s'enfuient en Égypte. Ils y restent jusqu'à la mort d'Hérode. Puis, ils retournent dans leur pays et vont s'installer à Nazareth. C'est là que Jésus grandit, entouré de sa famille et de ses amis. Jésus au temple. Chaque année, pour la fête de la Pâque, Joseph et Marie se rendent en pèlerinage au temple de Jérusalem avec d'autres personnes de leur village. Quand Jésus a 12 ans, il part avec eux pour la première fois. Quelle aventure ! Et quelle joie de voir ce temple magnifique, la maison de Dieu ! Au moment de rentrer, Marie et Joseph ne voient pas Jésus, mais ils se disent « il doit marcher devant avec ses amis ». Or, le lendemain, toujours pas de Jésus. Fous d'inquiétude, Marie et Joseph retournent à Jérusalem et ils le cherchent dans toute la ville. Ils le trouvent enfin dans la cour du temple, là où les spécialistes de la loi se rassemblent pour discuter. Jésus les écoute, il leur pose des questions, et les gens sont stupéfaits de son intelligence. Marie est très émue. Elle dit à son fils, « Comme tu nous as fait peur, pourquoi as-tu fait cela ?» Mais Jésus leur répond, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Ce jour-là, Marie et Joseph ne comprennent rien. Jésus rentre tranquillement avec eux à Nazareth. Il grandit et devient un homme. Plus tard, il quittera son village pour parler de Dieu aux gens de son peuple. Les paraboles de Jésus. La plupart des personnes qui viennent écouter Jésus ne sont ni des riches ni des savants. Elles n'ont pas fait d'études. Pour leur parler du royaume de Dieu, Jésus raconte des histoires courtes, inspirées de la vie quotidienne et de la nature. Ce sont les paraboles. La parabole